Chapitre 7e, la catastrophe. L'océan était houleux, et cette houle, assez forte, imprimait à l'appareil un roulis des plus désagréables. La nuit était venue. La pluie tombait toujours. Mais à présent qu'ils étaient au repos, elle n'incommodait plus les aviateurs, à l'abri sous les larges ailes. Il était 7 heures. La lampe à réflecteur fut allumée. Puis tous deux se demandèrent si la besogne d'aller de nouveau déblayer les ailes ne s'imposait pas. Mais l'obscurité profonde et le roulis de l'appareil rendaient, pour ainsi dire, impraticable cette opération, déjà dangereuse en des conditions normales. D'ailleurs, une 20aine de centimètres séparait encore le moteur de la surface liquide, et l'ingénieur conclut avec logique que la neige des ailes, devant être à présent saturée d'eau, la surcharge ne pouvait plus augmenter. Tous deux mangèrent donc en hâte, trop fatigués pour pouvoir faire honneur au repas, et s'apprêtèrent ensuite à passer du mieux qu'ils pouvaient leur 3e nuit sur l'océan. Ils étaient tellement accablés qu'ils s'endormirent tout de suite, en dépit du roulis violent qu'imprima leur appareil une forte houle. Et pour cette fois, la fatigue eut raison de l'angoisse de la nuit et de la solitude. Tous deux s'éveillèrent bien avant l'aube. Il était 7 heures du matin, heure de Paris, et la mer avait grossi. C'était probablement les mouvements désordonnés de l'aéroplane violemment secoués qui avaient tiré les deux dormeurs de leur sommeil. Il faisait encore nuit noire. La pluie tombait toujours, et un immense murmure montait des flots. Toutefois, l'ingénieur, à l'aide de la lampe du bord restée allumée, constata avec satisfaction que les flotteurs émergeaient normalement. La surcharge de neige était donc disparue. « Allons, tant mieux !» dit sans patience, en se frottant les yeux. « Saluons le dernier jour de notre voyage. Pour ma part, j'ai faim. » Nous n'avons, pour ainsi dire, pas mangé hier soir. Le fait est que c'est une manière comme une autre d'attendre le jour, dit à son tour l'ingénieur. Comme nous ne pouvons rien faire avant d'y voir clair, profitons-en pour reprendre des forces. Mais tout de même, que c'est désagréable d'être secoué comme ça. De fait, les oscillations imprimées à l'appareil n'étaient rien moins que douces, et sans patience, qui n'avait voyagé qu'une fois sur la grande tasse, comme il disait, affirma qu'il éprouvait les premiers symptômes du mal de mer, ce qui ne l'empêchait pas du reste de dévorer comme 4. L'aube vint lentement, grise, triste, et leur montra un horizon rayeux de pluie, ainsi qu'une mer où des vagues commençaient déjà à remplacer la houle. L'ingénieur jeta sur son aéroplane un regard qui, d'abord inquiet, se rassura vite, car tout à bord lui sembla en ordre. Un appareil ordinaire avec ses ailes en toile et son haubanage n'aurait jamais résisté à une pareille épreuve, dit-il, son examen terminé. Décidément, je commence à croire que ma solution est la bonne. Cependant, ça va être dur de s'envoler avec une mer comme celle-là. Essayons toujours, fit sans patience. Plus nous tarderons, plus le temps deviendra mauvais et plus nous éprouverons de difficultés. Et je ne vous cache pas qu'en cas de grain, je préfère au-dessus des flots que dessous. Le moteur fut mis en marche. Et suivant le principe de l'aviation, l'ingénieur essaya de s'envoler face au vent. Mais l'appareil n'était pas fait pour tenir la mer. Il ne s'élevait point à la lame et ne pouvait que trouer les vagues, ce qui l'alourdissait et enrayait sa vitesse. 100, 200, puis 300 mètres furent ainsi parcourus sans qu'on pût décoller. Les deux hommes, affreusement secoués, étaient couverts par les embruns, et c'est en vain que l'ingénieur donna au moteur toute sa vitesse. Il reconnut vite qu'en allant contre le vent, le flot enrayerait toujours sa marche. Il vira donc de bord, et l'aéroplane, obéissant à son gouvernail de direction, avec autant de docilité qu'une embarcation, vint dans le lit du vent. Dès lors, il ne luttait plus contre le flot, mais le précédait. Au bout de 100 mètres, tanguant et roulant, il s'enlevait, pareil à un de ces grands planeurs marins dont les ailes ruisselantes bravent la tempête. Enfin ! S'écria sans patience lorsqu'il vit les vagues s'éloigner sous lui. L'ingénieur arrivait à 50aine de mètres de haut, effectua un large virage qui le remit face au vent dans la direction de l'ouest. L'allure commençait à s'accélérer, et les deux aviateurs à respirer, quand il se produisit à l'avant comme un craquement. Tous deux virent dans un éclair l'hélice détachée, tourbillonner au vent, et aller tomber dans la mer à 100 mètres de là. En même temps, une embardée terrible secoua l'appareil qui se cabra. Ne perdant ni son sang-froid ni sa présence d'esprit, l'ingénieur arrêta aussitôt le moteur qui s'affolait et fit piquer du nez à l'aéroplane. De la sorte, il parvint à effectuer en vol plané une descente qui aurait pu être une chute. Et quelques secondes plus tard, leur appareil se posa de nouveau sur les flots où il se mit à danser comme un bouchon. Seulement, il était désemparé cette fois. Privé de son hélice, l'aéroplane n'était plus qu'une proie offerte à la tempête et à l'océan. Et pour comble de malheur, lors de l'embardée qui avait suivi l'arrachement du propulseur, la grande manne de provisions était tombée à la mer.